بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 11 Rajab de l'année 1443 de l'Hégire, correspondant au 12 février 2022. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude du livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, qui est décédé en l'an 620 de l'Hégire, dont le sujet est le blâme du waswas. Dhammul Waswas, ainsi il a intitulé son livre. Ce livre que nous avons vu dans le cours précédent, le premier cours de cette série, et aujourd'hui c'est le deuxième, Inch'Allah Ta'ala, nous avons vu l'introduction de cet imam, dans laquelle, comme vous avez pu le constater, beaucoup de fawaïd. Et là, on va commencer avec le premier chapitre de ce livre. Il a dit, rahimahullah ta'ala, Al-faslu al-awwal fi al-niyyati fi al-taharati wa al-salah. Donc, le premier chapitre, intitulé, le premier chapitre au sujet de l'intention dans la purification et dans la salat. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important, à savoir l'intention dans l'adoration. Et comme vous savez, il n'y a pas de divergence entre les savants de l'islam que l'intention est une condition de validité de chaque adoration. Chaque adoration nécessite une intention. Donc, d'où l'importance de l'intention. Il peut y avoir des divergences, mais pas sur ce point-là. Par exemple, l'Ahnaf, pour eux, l'intention n'est pas une condition de validité des ablutions. C'est-à-dire, si tu fais les ablutions, même si tu n'as pas eu l'intention de faire les ablutions, du moment que tu as lavé tous les membres dans l'ordre rapporté, pour eux, c'est valide. Mais cet avis, en réalité, il émane du fait que les ablutions, pour eux, ce n'est pas une adoration. Mais l'avis juste, qui est l'avis de la plupart des savants, c'est que les ablutions, ce sont une adoration. C'est même une des plus grandes adorations de l'islam. Et donc, comme toutes les adorations, ça nécessite l'intention. Également, as-salat. Il dit, rahimahullah, i'lam rahimakallah, anna al-niyyata hiya al-qasdu wal-azmu ala fi'li shay'. Il dit, rahimahullah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Ça nous rappelle le style de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab et des autres savants de la sunna. Ils font dua pour ceux qui étudient leurs livres, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et parmi les plus grandes formes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de t'orienter dans le chemin de la science et de l'apprentissage, et de te raffermir sur ce chemin. Car combien emprunte la voie de l'apprentissage et la délaisse par la suite. En général, pour une erreur méthodologique, et ça peut être pour un problème dans l'intention. Mais le serviteur, il doit demander à Allah la fermeté et la continuité dans l'apprentissage. Comme bien même il constate qu'il ne tire pas un très grand profit de son apprentissage. Et ça, c'est une ruse de Shaitan. Du moment que tu es sur ce chemin, c'est un immense bien qui t'a été voulu. Que tu tires profit ou pas, c'est une autre question. On ne veut pas s'attarder là-dessus, mais continue dans ton apprentissage, quoi qu'il arrive, et ne laisse pas Shaitan t'éloigner du bien avec des prétextes, comme tu es un hypocrite, tu apprends, tu ne mets pas en pratique, tu as un mauvais comportement, tu n'arrives pas à te réformer, et ainsi de suite. C'est la persévérance et la sincérité qui va te permettre, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de te réformer, et pas le délaissement de l'apprentissage. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'intention et la volonté et la résolution et la détermination à faire une chose. Donc l'intention, c'est vouloir avec détermination faire une chose. Les savants disent quand cette intention a lieu dans le cœur et que tu veux faire une chose avec détermination, ils disent rien ne peut empêcher l'acte de se produire excepté l'incapacité du serviteur. Quelqu'un a l'intention de donner une sadaqa, forcément il va la donner. Sauf s'il rentre sa main dans la poche, il trouve pas d'argent. Mais s'il trouve l'argent, s'il arrive à ce degré de l'intention, qui est la détermination et la résolution à faire l'acte, il va le faire. Et ça te permet de comprendre certaines ruses de Shaitan à ce niveau-là. Des personnes qui disent vouloir faire le bien et qui ne font pas les causes. Ça, ce sont des leurres de Shaitan et non pas une intention sincère. Et quand cette intention a lieu dans le cœur, le serviteur est récompensé de toute façon. Ensuite, il dit وَمَحَلُّهَا أَوْ وَمَحِلُّهَا الْقَلْبِ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِاللِّسَانِ أَصْلًا. Cette intention a lieu dans le cœur et elle n'a aucun lien avec la langue. C'est des paroles précieuses. L'intention a lieu dans le cœur et elle n'a aucun lien avec la langue. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في النية لفظ بحال. C'est pour ça, il argumente sa parole en disant, c'est pour ça qu'il n'a pas été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, ni d'aucun de ses compagnons, avoir prononcé l'intention. Dans aucune situation. L'intention a lieu dans le cœur et l'intention ne se prononce pas. Ce que Al-Hajj ou Al-Mu'tamir dit en début de son rite, de l'Hajj ou de l'Umrah, c'est pas l'intention. C'est un dhikr qui légiférait à ce moment-là et il est prononcé. Et la preuve irréfutable que ça, c'est pas une intention, c'est que le Hajj ou le Mu'tamir, s'il prononce pas cette parole, il met l'intention dans le cœur, son rite est valide pour tous les savants. Contrairement à celui qui prononce cette parole sans connaître son sens. Et il n'a pas d'intention de faire l'umrah. Quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, on lui dit, au moment où il est à côté de l'miqat, on lui dit, dis, labbayk Allahumma umrah. Il dit, labbayk Allahumma umrah. Il ne sait pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il est entré dans le rite de l'umrah? La réponse est non pour tous les savants. C'est pour ça l'intention, elle est toujours dans le cœur, dans toutes les adorations, sans exception. Y compris l'umrah et l'hajj. Et que ce que l'hajj et le mu'tamir dit, c'est un dhikr qui est légiféré à ce moment-là, et non pas l'intention. L'intention, c'est un pilier dans le Hajj et dans l'Umrah. Le Hajj a quatre piliers. Le premier, c'est l'Ihram, l'intention. Et l'Umrah a trois piliers. Le premier, c'est l'Ihram, l'intention. طيب. Ensuite, il dit وَلَا سَمِعْنَا عَنْهُمْ ذِكْرَ ذَلِكَ. Et ça n'a pas été rapporté du prophète A.S. ni d'aucun de ses compagnons, le fait d'avoir prononcé l'intention. Et ceci nous a jamais été rapporté d'eux. وَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ الَّتِي أُحْدِثَتْ عِنْدَ افْتِتَاحِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَجَعَلَهَا الشَّيْطَانُ مُعْتَرَكًا لِأَهْلِ الْوَسْوَاسِ يَحْبِسُهُمْ عِنْدَهَا. Contrairement à ce qui a été inventé par les gens de l'Ouaswas comme formule qu'ils prononcent au début de leur purification et de leur salat, et que Shaitan a fait de ces formules un champ de bataille pour ces gens-là, dans lequel ils les combattent, ils les torturent, et ils les ont avec lesquels ils les empêchent d'avancer dans leurs adorations. C'est-à-dire que tu vas trouver l'un d'entre eux, il reste à ce stade de l'intention qu'il doit formuler et il laisse passer l'adoration avec des niveaux différents selon les cas de ces gens-là. Comme il va le détailler. Ensuite, il dit وَيُوقِفُهُمْ فِي طَلَبِ تَصْحِيحِهَا. Il leur demande, il leur exige, Shaitan, le pire des conseillers. Il les empêche d'avancer sous prétexte de corriger cette intention et qu'elle soit valide. C'est pour ça, tu vois l'un d'entre eux, il dit فَتَرَى أَحَدَهُمْ يُكَرِّرُهَا وَيُجْهِدُ نَفْسَهُ فِي اللَّفْظِ بِهَا كَأَنَّهُ يَجِدُ ثِقْلًا يَدْفَعُهُ وَلَيْسَتْ مِنَ الصَّلَاةِ أَصْلًا. C'est pour ça que tu trouves que l'un d'entre eux, il va répéter ces formules qui sont soi-disant l'intention. Et il va faire énormément d'efforts dans cela. Comme s'il y a un poids, une force qui le pousse à la répéter alors qu'elle ne fait pas partie de la salat du tout. وَإِنَّمَا النِّيَّةُ قَصْدُ فِعْلِ الشَّيْءِ وَإِنَّمَا النِّيَّةُ قَصْدُ فِعْلِ الشَّيْءِ. Par contre, l'intention, c'est de vouloir faire une chose. C'est ça l'intention. فَكُلُّ عَازِمٍ عَلَى فِعْلٍ فَهُوَ نَاوِ اللَّهِ. Et c'est pour ça que toute personne qui veut faire une chose, elle a l'intention de cette chose, forcément. وَكُلُّ قَاصِدٍ لِشَيْءٍ فَهُوَ نَاوِ اللَّهِ. Et toute personne qui vise l'accomplissement d'une chose, elle a l'intention de cette chose, forcément également. وَلَا يُتَصَوَّرُ انْفِكَاكُ ذَلِكَ عَنِ النِّيَّةِ لِأَنَّهُ حَقِيقَتُهَا. لِأَنَّهُ حَقِيقَتُهَا. Et c'est pas imaginable de faire la séparation et la distinction entre le fait de vouloir faire une adoration et l'intention de cette adoration. C'est inimaginable que tu veuilles faire une chose sans avoir l'intention de cette chose. Bien évidemment, on parle des gens qui ont leur raison. Le fou, naam. Ceci est envisageable chez le fou. Mais l'homme qui a sa raison, c'est inimaginable qu'il fasse une chose sans avoir l'intention de cette chose-là. Allahu Akbar. Ça, c'est une parole précieuse. Ça nous donne une grande règle que les hommes de science citent dans le domaine de l'intention et qui permet d'aider le serviteur à se débarrasser de tous les waswas dans le domaine de l'intention d'une manière absolue. Ils disent la règle de base dans l'intention, c'est qu'elle a lieu. Vous comprenez ce que ça veut dire la règle de base. Al-aslu fil ashiya'i kada. Quand les savants ils disent la règle de base, c'est-à-dire que c'est ça la certitude. C'est que tu as l'intention dans toute chose que tu fais, du moment que tu es conscient, du moment que tu as ta raison. Un fou, na'am, il peut te gifler sans savoir pourquoi il l'a fait. Ça, c'est envisageable chez le fou. Il peut faire une chose sans avoir l'intention. Un homme qui a sa raison, chaque chose qu'il accomplit, chaque chose qu'il fait, chaque chose qu'il dit, il a une intention. Il a une intention et c'est ça la règle de base. Et le fait de dire que c'est ça la règle de base, si tu as un doute, tu restes sur la règle de base. Shaitan, il vient, il te met un waswas. Ah, peut-être que tu n'as pas mis l'intention de dhuhr. Tu lui réponds avec science en disant, la règle de base, c'est que j'ai l'intention de dhuhr. Et je ne vais pas abandonner cette certitude jusqu'à avoir une certitude égale ou supérieure qui me dit que je n'ai pas eu l'intention. Amma le doute et les waswas que tu me mets, ça n'a pas de poids pour moi et ça ne va rien changer. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi. Si tu ne fais pas ainsi et que tu suis shaitan, c'est le début de tes calvaires. C'est le début de tes problèmes, c'est le début de tes soucis, jusqu'à arriver à des degrés où l'homme le plus intelligent, il peut devenir pire qu'un fou. Il fait et il dit qu'il n'a pas fait. Alors que lui-même, au fond de lui, il sait qu'il a fait. Il dit qu'il n'a pas dit la parole, qu'il n'a pas prononcé la parole. Alors qu'au fond de lui, il sait qu'il l'a prononcé. Et ça, c'est des degrés très avancés dans le domaine de l'ouest-ouest et qui devient difficile à traiter. L'ouest-ouest est très facile à s'en prémunir quand on a la science. L'ouest-ouest, c'est très facile de s'en débarrasser à son début quand on a la science. Mais quand la personne, elle se laisse aller, et elle suit Shaitan pendant 10 ans, 20 ans, après ça devient plus compliqué. Mais tout est facile pour qui Allah l'a facilité. Il faut savoir cela. On parle d'une manière générale, car même la chose facile, Allah il peut la rendre difficile à quelqu'un. Pour une sagesse ou plusieurs sagesses. Mais d'une manière générale, c'est ainsi que se traitent ces choses-là. Ces maladies se traitent avec l'ilm, avec la lumière de la science. Il a dit, rahimahullah, فَلَا يُتَصَوَّرُ عَدَمُهَا فِي حَالِ وُجُودِهِ. On ne peut pas faire la distinction entre l'acte et l'intention, car quand il y a un acte, forcément il y a une intention. Et on ne peut pas s'imaginer l'absence d'intention alors que l'acte s'est produit. Prends un exemple qu'il cite, rahimahullah. وَمَنْ قَعَدَ لِيَتَوَضَّأَ فَقَدْ نَوَى الْوُضُوءَ وَمَنْ قَامَ لِيُصَلِّي فَقَدْ نَوَى الصَّلَاةَ وَلَا يَكَادُ عَاقِلٌ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ عِبَادَاتِهِ وَلَا غَيْرِهَا بِغَيْرِ نِيَّةٍ. C'est pour cela, celui qui s'assoit devant l'endroit dans lequel on fait les ablutions, il a mis l'intention des ablutions. Tu t'assois devant l'endroit dans lequel on fait les ablutions, tu as l'intention des ablutions. Tu t'es pas assis pour prendre une douche. Et quand tu te lèves, tu te mets dans le rang de salat, ou là, chez toi, tu te places sur le tapis de salat. C'est forcément pour faire salat. C'est pas pour faire autre chose. Allah musta'an. C'est pour ça, t'as l'intention forcément. Et ça, c'est l'intention. Tu sors de chez toi, après avoir entendu l'adhan de dhuhr, ou, pour ceux qui n'entendent pas l'adhan, malheureusement comme dans les pays de Kufr, tu sors de chez toi à l'heure de dhuhr et tu te diriges vers la mosquée et t'arrives et tu te mets dans le rang derrière un imam, il dit Allahu Akbar, et toi aussi tu dis Allahu Akbar, et après Shaitan il vient, il te dit, t'as pas mis l'intention de dhur. Est-ce qu'il y a un homme qui a sa raison, qui peut croire cela, qui peut accepter cette waswasa? Malheureusement, il y en a à qui ça arrive. Il a dit, et c'est quasiment impossible que l'homme qui a sa raison fasse une chose, que ce soit parmi ses adorations ou autres, sans avoir une intention. On n'a jamais vu un homme qui a sa raison, il vient, il frappe un autre homme, comme ça, sans qu'il y ait une raison. On n'a jamais vu ça. Sauf si c'est un fou. Le fou, comme j'ai dit, il peut venir, il te gifle, et il ne sait pas pourquoi il l'a fait, et toi non plus, tu ne sais pas pourquoi il l'a fait. Hada huwa l'homme qui a sa raison. Chaque chose qu'il fait, il a forcément une intention dans cette chose-là. Et comme il dit Cheikh Nathimi, rahimallah, si Allah nous avait chargé de faire des actes sans intention, ça aurait été quelque chose d'extrêmement difficile. T'imagines, tu fais une chose sans intention. Alors pourquoi quelqu'un, il peut arriver à un degré où il croit que tout ce qu'il fait, il n'a pas l'intention. Ça c'est shaitan. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. Donc, bien évidemment, dans les actes du fils de Adam, il y a des actes qui sont volontaires. Et il y a des actes qui sont involontaires. Nous, nous parlons des actes volontaires. Quelqu'un qui a froid, sa main tremble de froid, ça, c'est pas un acte que tu contrôles. Naam, ça, tu le fais sans qu'il y ait une intention dans ton cœur. Mais quand tu bouges ta main, quand t'es éveillé, forcément, il y a une intention. Également, celui qui est en sommeil, il peut faire des actes sans intention. Mais celui qui a sa raison, qui est éveillé, chaque chose qu'il fait, chaque chose qu'il dit, forcément il y a une intention. Donc, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose sans intention dans les actes du serviteur, que ce soit dans le domaine du religieux ou là le domaine de dunya. Du moment que c'est des actes volontaires de sa part, pour faire sortir les actes involontaires, comme la main qui tremble de froid, comme ce qu'ils appellent la chair de poule qui apparaît sur le corps quand il y a froid aussi, et ainsi de suite. Les gestes que puisse faire un homme pendant son sommeil, tout ça ne rentre pas dans ce que nous voyons. Et c'est pour ça que cette intention, il n'y a pas besoin de faire un effort pour l'avoir. Elle est déjà là. Et si Allah nous avait chargé, j'ai oublié que l'imam Ibn Qudama a cité la même parole que Cheikh Ibn Uthaymin. Il l'a cité également, exactement pareil. Il a dit, وَلَوْ كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ بِغَيْرِ نِيَّةَ لَكَلَّفَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ وُسْعِهِ. Allahu Akbar. Si Allah nous avait chargé de faire salat ou de faire les ablutions sans intention, il nous aurait chargé une chose dont on n'est pas capable et qui n'est pas dans notre capacité. Et ce qui est ainsi, c'est-à-dire l'intention, qui a lieu automatiquement avant l'accomplissement de tout acte, pourquoi se fatiguer pour l'avoir? Et si il doute dans son intention, malgré tout cela, alors il faut savoir que ça, c'est une catégorie de folie, il a dit, rahimahullah. فَهَذَا نَوْعُ جُنُونَ فَإِنْ عَلِمَ الْإِنسَانُ بِحَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّ عِلْمَ الْإِنسَانِ بِحَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّ عِلْمَ الْإِنسَانِ بِحَالِ نَفْسِهِ أَمْرٌ يَقِينِيٌ فَكَيْفَ يَشُكُّ فِيهِ عَاقِلٌ مِنْ نَفْسِهِ. Car la personne, quand elle sait d'elle-même qu'elle s'est levée pour dhuhr, pour salat al-dhuhr par exemple, ça c'est une certitude. Comment douter de cette certitude que nous-mêmes on sait La personne elle-même a cette certitude. Comment douter de cette certitude? Celui qui se lève pour accomplir Salat al-Dhuhr derrière un imam, comment il peut avoir des doutes qu'il n'a pas mis l'intention? Et si jamais quelqu'un l'appelle pendant qu'il est dans cet état, il se prépare à faire Salat al-Dhuhr, il est dans le rang. Il n'a pas commencé encore. Quelqu'un il lui dit, viens, aide-moi à porter ça. Il va lui dire, non, je suis occupé par Salat. Je vais commencer Salat al-Dhuhr. Je suis derrière l'imam, il va faire Takbir. بل لو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة أين تمضي لقال أصلي صلاة الظهر. Pire encore, si quelqu'un lui dit au moment où il est sorti de sa maison, en se dirigeant vers la mosquée, si quelqu'un lui pose la question, lui dit tu vas où? Il lui dit je vais à la mosquée pour prier صلاة الظهر en groupe. Donc tout ça c'est l'intention. Comment il peut douter de toutes ces certitudes-là qu'il sait lui-même avec certitude? Et pire encore, c'est pas seulement lui-même qui sait ça. Lana, toi, tu peux savoir beaucoup de choses de ta personne que ton entourage ne savent pas. Pire encore dans ce cas-là, que même les gens qui sont autour de lui, ils savent qu'il est sorti pour aller faire ça là cette fois. Avec l'habitude ou là avec les choses qu'ils savent de lui, parce qu'il a porté le kamis, parce qu'il a ça, il a ça. Donc même, par exemple, ses voisins qui l'ont aperçu sortir à ce moment-là, même eux, ils savent qu'il est sorti pour Salat al-Dhuhr. Et également ceux qui le voient assis dans le rang, dans l'attente de Salat, avec l'imam, eux aussi, ils savent qu'il va accomplir Salat al-Dhuhr et qu'il attend juste le début de Salat. Et quand on le voit se lever, quand l'Iqama a lieu, ceux qui le voient se lever, ils savent qu'il s'est levé pour Salat al-Dhuhr. Ça, c'est pour le ma'moum. Également l'imam. Il y en a ces maladies qui peuvent toucher également des imams. Même l'imam, yani pour l'imam, quand il se lève, il s'avance devant les rangs, dans le mihrab. Il se place dans le mihrab et les gens s'alignent derrière lui, dans des rangs. Yani tout le monde sait que l'imam, il va les diriger dans cette salate. C'est un imam, il va les diriger dans cette salate. Et ceux qui sont derrière cet imam, tous ils savent également qu'ils vont suivre cet imam dans la salat. Donc ça c'est pour réfuter ceux qui disent que quand tu es un imam, tu dois mettre l'intention que tu es un imam. Et c'est pour ça que tu trouves des gens qui sont touchés par ces maladies, quand il est imam, avant de dire takbir, il va rester 2 minutes. J'ai l'intention de prier salat al-dhuhr dans la mosquée de telle ville, comme imam, peut-être il va rajouter le jour du jeudi, la date. Il y a des gens qui peuvent tomber, ça peut faire rire certains d'entre vous, mais c'est des choses réelles qui existent. Et pour le ma'moum également, j'ai l'intention de faire salat al-dhuhr derrière l'imam un tel. Et il va répéter ses formules. Et en les répétant, Shaitan, il va lui dire, t'as oublié tel détail, donc salat n'est pas valide. Il va recommencer dès le début et il peut continuer dans se suivre de Shaitan jusqu'à louper Takbir al-Ihram ou louper un rak'a ou louper plusieurs rak'a. Et des fois, il peut louper toute la salat. Et lui, il n'a pas encore formulé l'intention. Cette intention que si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait chargé de ne pas l'avoir, ça aurait été quelque chose d'impossible pour nous et d'extrêmement difficile pour nous. Également celui pour les ablutions. Quand les gens ils le voient, وَمَنْ رَآهُ إِنْسَانًا نَازِلًا إِلَى السِّقَايَةِ عِنْدَ قُرْبِ الصَّلَاةِ غلب على ظنه أنه يريد الوضوء. Quand on voit une personne se diriger vers l'endroit dans lequel on fait les ablutions habituellement, à l'approche de l'heure de salat, tu le vois se diriger vers cet endroit dans lequel on fait les ablutions habituellement, et il se dirige juste avant la salat. Tu penseras fortement qu'il veut faire les ablutions. Et si tu le vois assis devant le bassin dans lequel il y a de l'eau avec lequel on fait les ablutions, là, tu sauras qu'il va faire les ablutions. Et tu sauras son intention et sa volonté de faire les ablutions. Donc ça, c'est les autres autour de lui, rien qu'avec ces éléments, ils peuvent yani, savoir avec quelque chose qui se rapproche de la certitude. Son intention. Alors que dire de lui-même? Lui-même, qu'il sait qu'il ne se dirigeait vers cet endroit que pour faire les ablutions. Et qu'il ne s'est assis que pour les ablutions. Et malgré cela, il laisse Shaitan le perturber avec des waswas que t'as pas eu l'intention des ablutions. Bien évidemment, quelqu'un qui arrive à un stade très avancé dans cette maladie, même s'il lui dit t'as pas fait les ablutions, il lui dit c'est pas grave. Il continue comme il est. Dans toutes ses adorations, il ne va plus jamais tenir compte de tous ses waswas. Et il a un jugement qui est spécifique à lui, que nous allons détailler, inshallah, vers la fin du livre. Donc il a dit, « هذا من المحال » d'avoir des doutes dans ses intentions-là, avec tous les éléments qui ont été cités, ça c'est une grande absurdité. Et c'est quelque chose d'impossible. Car le fait d'accepter le waswas, cette insufflation de shaitan, et d'y croire que c'est une vérité, en réalité là, il renie ce qu'il a vu avec ses propres yeux. Et ceci également est une dénégation d'une vérité qu'il a connue avec certitude. Et c'est une transgression de la législation. L'ana shaitan, quand t'arrives à passer ce stade et tu te dis, non, c'est avec certitude que je sais, donc je vais pas suivre ton waswas. Il te dit, de toute façon, t'as rien à perdre. Et ça, c'est un grand piège. T'as pas mis l'intention, il te dit, de toute façon, t'as rien à perdre. Tu refais les ablutions avec l'intention cette fois, pour être sûr, et de toute façon, tu seras plus récompensé. Ça, c'est faux. T'as tout à perdre. Nana, c'est le début d'une grande maladie que peut-être t'auras du mal à repousser par la suite. Et aussi, c'est une transgression de la législation. Et c'est une non-conformité à la sunna. Et c'est un suivi de ton pire ennemi. C'est un suivi de ton pire ennemi, qui est Shaitan. Donc tout ça, c'est pas grave. Et ça peut rentrer dans le bid'a, bien évidemment, dans les innovations. Comme a dit l'imam ibn Qudama, rahimahullah. L'anna yona qui font cela, en croyant qu'ils sont meilleurs que les meilleures générations de cette communauté. Qu'ils sont meilleurs que le prophète, alayhi salatu wassalam, même s'ils ne le formulent pas. Car formuler cela est une mécréance. Mais sa situation te dit que lui, ce qu'il fait, c'est plus sûr et c'est meilleur et c'est plus propre. Et on va voir la réfutation de tout cela. Et également, c'est un délaissement et un éloignement de la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, et de sa sunna. Et également, de la voix de ses compagnons et de tous les imams qui sont venus après eux. Et aussi, il faut savoir que cette intention, il poursuit en disant, Rahimallah. Je vais dire en arabe d'abord, pour les frères qui suivent, dans le livre, tout en sachant que je n'ai pas exactement la même édition que ce que je vous ai envoyé. Ce que je vous ai envoyé, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, la seule chose que j'ai trouvée, et c'est Ali al-Muhaqqiq, c'est quelqu'un qui est connu pour la qualité de son tahqiq. Mais celle que j'ai, Ali, je ne l'ai pas trouvée sur Internet, et peut-être qu'elle est meilleure, car elle a été faite après celle-là. Mais je n'ai pas pu comparer les deux, jusqu'à maintenant. Taïb. Lakin, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Les passages que j'ai comparés, je n'ai pas vu de différence. Si quelqu'un y constate une chose, il peut nous le signaler, comme ça je reviens et ça me facilitera, Inch'Allah. قال رحمه الله ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها. Ensuite, cette intention qui a déjà lieu, c'est pas possible de l'avoir encore une fois. Quelqu'un, il a commencé à laver les membres avec l'intention des ablutions. C'est une intention qui a déjà lieu. Donc comment il va avoir cette intention une deuxième fois? وَالْمَوْجُودَةُ لَا يُمْكِنُ إِجَادُهَا. Car la chose qui existe déjà, on ne peut pas la faire exister une deuxième fois. Elle existe déjà. Car une condition pour faire exister une chose, qu'elle soit inexistante. Amma, la chose qui est déjà existante, comment tu vas la faire exister? فَإِنَّ إِجَادَ الْمَوْجُودِ مُحَالٍ. Car faire exister ce qui est déjà existant est quelque chose d'impossible. Et c'est une absurdité. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا يَحْصُلُ لَهُ بِوُقُوفِهِ شَيْءٌ وَلَوْ وَقَفَ أَلْفَ عَامٍ. Et si ça c'est clair pour toi, alors sache que le fait de rester debout, par exemple, avant le début de salat, sous prétexte de formuler l'intention complète et parfaite et de s'assurer de la validité de sa salat, cette intention, il ne va pas y arriver même s'il reste 1000 ans. Car il l'a déjà. Même s'il reste 1000 ans, il ne va pas avoir l'intention. Il ne va pas avoir quelque chose qu'il a eu déjà. L'intention, il l'a eu au moment où il est sorti de chez lui en se dirigeant vers la mosquée. Il l'a eu plusieurs fois. Il l'a eu quand il s'est assis dans le rang, dans l'attente de salat, de l'iqama. Il l'a eu quand l'iqama a eu lieu, il s'est levé. Tout ça, c'est des intentions. ومن العجب أن هذا الموسوس يعلم أنه ما حصل له بوقوفه في الصلاة الأولى شيء فكيف يقف في الثانية وما بعدها إلى آخر عمره. Et ce qui est encore plus étonnant, que cette personne touchée par le waswas, dans la première salat dans laquelle elle a eu le waswas, et elle est restée à répéter l'intention pour s'assurer de la validité de salat, elle a su d'elle-même que malgré ses essais, malgré cette attente, elle n'est pas parvenue à avoir l'intention. Comment elle tombe dans le même piège dans les salats suivantes? Et comment elle continue à tomber dans le même piège toute sa vie? Avec la même ruse et le même stratagème de shaitan. Wallah al-musta'an. Wala tanfa'u at-tajriba. Car celui-là, il n'a pas tiré profit de l'expérience au minimum. Si tu ne suis pas ce qui est dit dans les textes, alors au moins tire profit des expériences passées. Combien de fois dans ta vie tu as eu ces waswas et tu t'en sors sans résultat, sans profit. Normalement, l'homme qui a sa raison, il tire profit des expériences passées. ثم من أعجب شأنه أنه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام، فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعا وأدركه. الله أكبر. Et encore plus étonnant que tout ce qui s'est passé. Allahu Akbar. Encore plus étonnant que tout ce qui s'est passé, encore plus étonnant que tout ce qui est passé, c'est que cette personne touchée par le waswas, elle va continuer dans ses efforts à avoir l'intention jusqu'à voir l'imam passer au recours. Donc pendant toute pendant tout ce temps dans lequel l'imam il est dans le qiyam, il est dans la position debout à réciter le Fatiha et le Sura, lui il est dans les efforts pour avoir l'intention. Il continue ainsi jusqu'à le voir passer au recours et là il va le suivre rapidement. Il va le suivre rapidement, il va faire takbir et il va suivre l'imam dans le recours. Afin de ne pas louper raka'a. L'anna si l'imam il se lève de roko, il a loupé une raka'a. Mais pour ne pas louper cette raka'a, il va suivre l'imam. Yani ici, l'imam al-Qudama il se pose cette question. Il dit فَمَنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ النِّيَّةُ فِي الْقِيَامِ الطَّوِيلِ فِي حَالِ فَرَاغِ بَالِهِ كَيْفَ حَصَلَتْ فِي الْوَقْتِ الضَّيِّقِ مَعَ شُغْلِ بَالِهِ بِفَوَاتِ raka'a. Allahu Akbar. Donc s'il n'est pas parvenu à avoir l'intention, comme Shaitan lui dit, pendant toute cette période dans laquelle l'imam était debout, comment il va y arriver en un petit laps de temps, le moment où il voit l'imam passer au recours, alors que dans la longue période, il n'avait pas d'autre occupation que d'avoir l'intention. Et que dans ce petit laps de temps, en plus d'être un laps de temps très court, en plus de cela, il est préoccupé par le fait de ne pas louper une raka'a. Il parvient quand même à avoir l'intention. Donc ça, c'est des contradictions et des absurdités qui doivent normalement empêcher la personne de suivre ses waswas. ثم ما يطلبه لا يخلو إما أن يكون سهلا أو عسرا فإن كان سهلا ففيما يعسره وإن كان عسرا فكيف خفي ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والخلق أجمعين سوى الموسوسين. Donc cette chose qu'il essaye d'avoir, cette intention, ou bien c'est une chose difficile ou une chose facile. Donc si c'est une chose facile, pourquoi il la rend compliquée comme ça? Pourquoi il rend cette affaire difficile? Facile, elle est facile alors. Et si elle est difficile, comment cette chose n'a pas été perçue par le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas été vue par le prophète, alayhi salatu wassalam, la difficulté de l'intention, ni par ses compagnons, ni par tous les gens de l'islam, excepté ceux qui sont touchés par le waswas. وكيف لم ينتبه لهذا سوى من استحوذ عليه الشيطان دون أئمة الإسلام. Et comment ceci, et comment ils n'ont pas été attentifs à cette difficulté de l'intention, yani ils n'ont été attentifs à cette difficulté de l'intention que les gens qui sont dominés par Shaitan, à l'exception de tous les imams de l'islam. فَيَظُنُّ بِجَهْلِهِ أَنَّ الشَّيْطَانَ نَاصِحٌ لَهُ فَيُطِيعُهُ. Et il pense, avec son ignorance, que Shaitan le conseille en voulant son bien et lui obéit. Il lui dit, t'as pas mis l'intention, ta salade va être invalide. Ça, c'est le dernier souci de Iblis et de ses partisans. C'est son dernier souci que ta salade soit valide. Au contraire, il fait tout pour qu'elle soit invalide. Et justement, tout ce travail, c'est pour l'invalider. Si tu lui obéis malgré tout cela, c'est vraiment étonnant que la personne obéisse à son pire ennemi, à son ennemi déclaré, à celui qui le déteste le plus et qui ne cache même pas cette haine. Il la déclare ouvertement. Il la montre publiquement. Et malgré cela, il lui obéit. Ama alima annahu la yahdi ila khayr, n'a-t-il pas su que Shaitan n'indique pas le bien, il n'oriente pas vers le bien, et il n'appelle pas au bien. وكيف يقول هذا الموسوس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعله. Et que pense-t-il, cette personne touchée par le waswas, que pense-t-il de la salat du prophète alayhi salatu wassalam et la salat de tous les musulmans qui ne l'ont pas suivi dans cette waswasa? Est-ce qu'il dit qu'elle est batila, caduque, nulle, invalide? Faqad maraqa min al-islam. S'il dit qu'elle est invalide, qu'elle est caduque, alors il est sorti de l'islam. Wa ma baqiya ma'ahu kalam. Et il n'y a rien à lui dire après cela que de se repentir et de revenir dans l'islam. Ça, c'est entre parenthèses, c'est moi qui l'ai dit. Donc, il n'y a rien à lui dire par rapport à sa salat. Dans le kafir, on ne lui parle pas de salat. On lui parle de tawhid et de l'islam. Et quand il entre dans l'islam, après, on l'appelle à l'accomplissement de salat. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a plus rien à lui dire par rapport à salat. Parce que même s'il prie, sa salat n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il revienne dans l'islam. Et effectivement, ya ikhwa, intabihu, had l'amr hada, l'avi dhakart l'an, ce que je viens de citer maintenant, c'est yani, la ruse suivante. Yani, le shaitan, il va continuer avec toi, il va développer ses ruses et ses stratagèmes jusqu'à arriver à te dire que tu es sorti de l'islam. Et c'est là où tu arrives à des choses difficiles à soigner. Mais rien n'est difficile quand Allah il te facilite. Rien n'est difficile quand tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui montres ton impuissance et que celui, le Tout-Puissant par excellence, et que tu l'implores, surtout dans les moments où l'exaucement est privilégié, tel que le troisième tiers de la nuit, tu t'adresses à lui et tu lui demandes de t'aider et de te sauver de ces pièges, car personne ne pourra te sauver excepté lui, subhanahu wa ta'ala. Et que tu aies une détermination aussi. Et que tu fasses les causes. Et que tu écoutes les conseils, et tu les mets en pratique sans désespérer. Tu peux continuer à écouter les conseils concernant ces maladies, et à faire les efforts de les mettre en pratique pendant un an, deux ans, tu ne dois pas désespérer. T'es dans un jihad. Est-ce qu'on se lasse de le jihad fi sabilillah? Est-ce qu'on se lasse de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne doit pas se lasser de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'es dans une grande adoration. Et Shaitan qui a voulu ton mal, il est, si t'es patient et endurant et persévérant, il sera la cause d'un immense bien que tu n'auras pas pu avoir avec ton qiyam layl, ni avec ton jeûne du jour. Il sera la cause d'un bien beaucoup plus grand pour toi. Et Shaitan, il le sait. Il connaît ces choses-là. Il est dégoûté, mais il n'y peut rien. Comme je l'ai entendu une fois d'un Shaitan. Et ça, c'est pas un riwaya rapporté. Ils sont dégoûtés quand le serviteur il se conforme à la sunna. Il suit les livres d'Allah. Il a sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de salaf. Mais ils n'y peuvent rien. C'est plus fort que eux. Ils savent que c'est la volonté d'Allah. Mais Shaitan, il ne désespère jamais. Il n'a pas désespéré avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a essayé de le perturber dans sa salate. Il a essayé de le brûler. Ils ont essayé de le tuer. Il n'a pas désespéré avec les messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam. Comment il va désespérer avec nous? Allah a fait de lui qu'il ne désespère jamais. C'est pour ça qu'il peut continuer à te faire une ruse et t'insuffler une chose pendant un milliard de fois. وإن قال qala hiya sahiha, et s'il dit que la salat du prophète alayhi salatu wasalam et de tous les musulmans qui ne sont pas touchés par le même waswas que lui, elle est valide, et tout musulman il ne va dire que cette réponse, alors on lui dit فَمَا دَعَاهُ إِلَى مُخَالَفَتِهِمْ وَالرَّغْبَةِ عَنْ طَرِيقِهِمْ. Pourquoi alors il ne les a pas suivis? Il s'est éloigné de leur voie. وَكَيْفَ لَمْ يَقْتَدِي بِنَبِيهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الدَّاعِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ. Et pourquoi il n'a pas pris comme exemple et modèle son prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète de la miséricorde, qui appelle à la voix de son Seigneur avec sagesse, avec la sagesse. أين المعدل عن سنته؟ أين تطلب النجاة في غير طريقته؟ يعني s'il s'écarte de la sunna, il s'éloigne de la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام, il va vers où? Il va vers où? Et où peut-il trouver la sauver en dehors de la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام? أيدع مسلم اتباع من لا يشك أنه على الصراط المستقيم وأنه رسول رب العالمين أرسله بالهدى ودين الحق ويتبع الشيطان الرجيم الذي قد أخبر الله تعالى أنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Donc est-ce que le muslim il délaisse le suivi de celui qui est sur le droit chemin, sur la voie droite, sans aucun doute, et qu'il est le messager du Seigneur de l'univers, qu'il a envoyé avec la guidée et la religion de vérité. Poursuivre qui? Poursuivre Shaitan al-Rajim, Shaitan le maudit, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Il ne fait qu'appeler ses partisans à être parmi les gens de l'enfer. Allah Azza wa Jalla dit, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Shaitan pour vous est un ennemi. Considérez-le comme tel. Il ne fait qu'appeler ses partisans à être parmi les gens de l'enfer. فَإِنْ قَالَ الْمُوَسْوَسِ هَذَا مَرَضٌ بُلِينَا بِهِ. Si la personne touchée par le waswas, elle dit, ça c'est une maladie avec laquelle j'ai été éprouvé. قُلْنَا نَعَمْ لَكِنَّ مَرَضَكُمْ قَبُولُكُمْ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ. Nous leur disons oui, effectivement, t'es malade. Et c'est une maladie par laquelle tu as été éprouvé. Mais ta maladie, c'est quoi? Et fait partie de la guérison de bien analyser la maladie. Le bon médecin, avant qu'il te donne le remède adéquat et adapté à ta situation, et correspondant à ta maladie, le bon médecin, c'est celui qui fait un excellent diagnostic de ta situation et de ton cas. C'est ça le meilleur des médecins. C'est pas seulement, il sait que cette maladie, il lui convient tel remède. Cette maladie lui convient tel remède. Ça, c'est pas suffisant. Mais l'essentiel du meilleur des médecins, c'est l'excellent diagnostic de la situation du malade et de détecter sa maladie. Et les médecins qui ont cette qualité-là, ils sont peu nombreux. La plupart des médecins, ils se basent sur ce que tu lui dis. J'ai eu la fièvre, j'ai eu ça. Donc l'ensemble de ça, c'est que tu as telle maladie, tel remède. Allah. Et ici, bien diagnostiquer la maladie de l'waswas, c'est de savoir que cette maladie, c'est l'acceptation de l'ouaswas de shaitan. C'est ça la maladie. C'est que tu as accepté ces insufflations. Tu as accepté ces suggestions. وما عذر الله تعالى احدا بذلك الا ترى ان ادم وحواء عليهما السلام لما وسوس لهما الشيطان فقبل منه اخرج من الجنه ونودي عليهما بما يقرا ويدرس الى يوم القيامه ووبخهما الله تعالى وناداهما الله اكبر il dit رحمه الله donc le vrai diagnostic de ta situation Toi qui es touché par l'ouaswas, et qu'Allah guérisse tous nos frères et sœurs qui sont éprouvés par cette maladie, Wallah, et en souffre pour leur souffrance. Car nous avons vu des situations où, yani, c'est très triste de voir le frère ou la sœur arriver à tel degré. Où la personne, elle peut perdre complètement le contrôle de cette situation. Wallah al-musta'an. Donc, le vrai diagnostic de la maladie de cette personne, c'est l'acceptation de l'ouaswas de shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas excusé qui que ce soit avec cette acceptation. Et tu ne vois pas que Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, quand Shaitan leur a insufflé, entre parenthèses, de manger de l'arbre interdit, de manger des fruits de cet arbre qu'Allah leur a interdit dans le paradis, et qu'ils ont accepté l'insufflation de Shaitan, ils étaient sortis du paradis. Et ça n'a pas été une excuse pour eux d'avoir accepté l'insufflation de Shaitan. Ils étaient sortis du paradis. Et Allah s'est adressé à eux avec des versets que nous allons étudier et lire jusqu'à la fin des temps. Car ils sont dans le Coran. Et Allah les a blâmés. Il les a appelés en disant « Alam anhakuma an tilkuma shajarati » وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّبِينٌ Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés en leur disant « Ne vous ai-je pas défendu ?»« أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ »« Ne vous ai-je pas défendu de manger de cet arbre ?»« وَأَقُلْ لَكُمَا Et ne vous ai-je pas dit, inna shaitana lakuma aduun mubin, que shaitan est pour vous un ennemi déclaré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas excusés pour le fait d'avoir accepté l'waswasa de shaitan et ne pas avoir suivi les recommandations de Rahman, du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils étaient sortis du paradis à cause de cela. Bien évidemment, après, ils se sont repentis et Allah a accepté le repentir. وَهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْعُذْرِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَسْبِقْ قَبْلَهُمَا مَنْ يَعْتَبِرَانِ بِهِ Alors que si quelqu'un, il devait être excusé, c'est bien Adam et Hawa. Adam et Hawa, c'est bien ceux qui devaient, si on pouvait excuser quelqu'un pour l'acceptation de l'ouaswasa, Ça devrait être eux. Pourquoi ? Parce que eux, ils n'ont pas été précédés par quelqu'un qu'ils auraient pu prendre comme exemple. C'est les premiers à avoir accepté le waswasa de Shaitan. Alors que nous, on voit des gens, et on a des textes, et on a beaucoup de choses. Donc eux, ils sont plus proches de l'excuse que nous. Et toi, il dit, وَأَنْتَ قَدْ سَمِعْتَ قِصَّتَهُمَا وَحَذَّرَكَ رَبُّكَ مِثْلَ فِتْنَتِهِمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا Alors que toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a bien relaté leur histoire. Et tu l'as entendu. Et t'a mis en garde contre le fait de tomber dans la même fitna que eux. Allah dit, Ya bani Adam, la yaftinannakum shaytan, ô fils d'Adam, que shaytan ne vous séduise point, que shaytan ne vous tente point, comme il a fait sortir, comme il a fait expulser vos tout premiers parents, c'est-à-dire Adam et Hawa, du paradis. Ô fils de Adam, que shaytan ne vous séduise point, comme il a fait expulser vos tout premiers parents du paradis, en leur ôtant leurs vêtements. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. En leur ôtant leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Yani pour leur montrer leur nudité, c'est-à-dire leurs parties intimes. Après que leurs parties intimes étaient couvertes, Shaitan leur a insufflé, il les a séduits, et ainsi, leurs parties intimes étaient dévoilées. Et ça, c'est ce qui continue avec les fils de Adam aujourd'hui. Il les séduit pour leur ôter leurs vêtements et montrer leur corps et leurs parties intimes. وَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ عَدَاوَتَهُ فِي آيٍ كَثِيرٍ. Et Allah t'a montré dans beaucoup de versets dans le Coran la grande haine de Shaitan pour les fils de Adam. Et il t'a montré la voie de la sauver de toutes ses ruses et stratagèmes. فَمَا لَكَ عُذْرٍ. Alors tu n'as pas d'excuses. Et tu n'as pas d'argument ni de preuve pour le délaissement de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et l'acceptation de Shaytan et de ses insufflations qui t'appellent à la perdition et l'égarement. Voilà pour ce chapitre. On va s'arrêter ici. On va pas dépasser une heure, inshallah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça me soit bénéfique et profitable, ainsi qu'à mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre rendez-vous se renouvelle la semaine prochaine, inshallah, à la même heure, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum pour votre écoute. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.